West Side Story, l'événement de cette fin d'année. Découvrez les chansons mythiques de l'indétrônable comédie musicale sur la bande originale du film de Steven Spielberg. West Side Story, la bande originale disponible partout à ne pas manquer. 19h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. Environ 2700 cités parsemaient durant l'Antiquité l'Empire romain. Tombées dans l'oubli, nombre d'entre elles, désormais anonymes, restent de nos jours enfouies sous les labours, voire les forêts, car rappelons-le, les villes, les cités meurent aussi. D'autres ont toutefois perduré sous des maîtres et des maîtres de déblais et sont partiellement exhumés à l'occasion d'aménagements urbains. C'est bien entendu le cas de Lyon, Arles, Nîmes, Bordeaux, Rennes, Reims ou Paris. Curieusement, on ne dit pas ville, mais cité romaine. Ce soir donc, le magazine d'archéologie de France Culture ouvre le dossier de ces cités, de leur urbanisme, de leur vie, avec Ricardo González Villa Escusa. Bonsoir. Bonsoir. Archéologue, professeur d'archéologie de la Gaule et du Nord-Ouest européen à l'Université Paris-Nanterre, vous appartenez au laboratoire ArsCan, le plus gros centre de recherche archéologique du CNRS. Vous venez surtout de publier un petit que sais-je sur ces cités romaines dans lequel j'ai appris beaucoup de choses. Tout d'abord, Ricardo González, pour vous, les origines de nos propres villes européennes seraient enracinées dans la première expansion globale qu'a connue l'Europe, la romanisation? Oui, juste, c'est le bon mot, c'est enraciné, c'est-à-dire la première structure qui va donner lieu à les structures actuelles de villes actuelles, c'est une structure qui est héritière de l'Antiquité. Ceci dit, je suis absolument conscient que l'origine de nos villes, c'est plutôt médiéval. Mais il y a une première trame, une première structure qui date de l'Antiquité. Alors cette expansion globale, elle se fait dans le temps, bien sûr. On le sait, la Narbonnaise, le sud de la France, est conquise bien plus tôt que le nord de la Gaule. On peut imaginer les villes plus précoces. Oui, il faut prendre en considération la diachronie dans l'expansion de l'Empire romain. L'Empire romain, c'est une grosse machine qui a duré beaucoup de temps et les premières villes de la première expansion romaine en Italie sont différentes des villes qui ont vécu, qui ont été créées dans l'Occident romain ou d'autres villes en Afrique qui sont vraiment différentes en fonction du moment de l'expansion romaine. Alors pourquoi dit-on cité ? Et non pas ville. La ville est au Moyen-Âge ce que la cité est à l'Antiquité? En grande partie, oui. Juste dire que la langue française nous offre une bonne chose parce que en espagnol ou en italien, on a la città ou la ciudad qui est complètement polysémique. Tandis que en français, on a ville et cité et ça correspond beaucoup mieux au latin parce que la ville, l'urbs, est une agglomération, une forme urbaine d'une part et de l'autre part, il y a la cité qui est tout le territoire qui est piloté, qui est dirigé depuis la ville. Donc, il faut imaginer plutôt une structure cellulaire avec un noyau qui est la ville, qui est l'agglomération, et parfois plusieurs villes dans le même territoire. Sauf qu'il y a une seule qui est le chef-lieu, qui est la capitale, et tout un territoire. La ville ne serait rien sans son territoire. Pour se faire une idée du monde urbain romain, quoi de mieux que cette extraordinaire carte, la fameuse table de Pottinger, Pottinger. Oui, la carte de Pottinger, c'est une copie du XIIIe siècle d'une carte romaine, avec beaucoup de rajouts. Mais j'avais pris cette image comme l'image pour commencer le petit que sais-je, parce que c'est une carte qui n'en est pas une, qui est plutôt un GPS de l'Antiquité, qui donne les distances, qui donne une position qui n'est pas forcément géographique, mais relative entre les différentes villes, agglomérations, mansiones, postes, etc. Et ce que je voulais dire avec cette image est que l'idéal type qui avait Rome dans la tête de Rome, ça c'est une personnalisation que je n'aime pas trop, mais quand même, l'idéal type de Rome était un empire complètement connecté, complètement relié, donc on ne pouvait pas se perdre. Quand on compare ça avec une carte géographique réelle des villes romaines, on se rend compte qu'il y a un maillage beaucoup plus faible dans certains endroits, dans d'autres endroits autour de Rome, la densité d'agglomération est totale, et dans le sud de l'Espagne aussi, ou dans le sud de la Gaule aussi. Mais on se rend compte que l'idéal type, le but ultime représenté dans la table de Pétanger, c'est quelque chose de beaucoup plus connecté, beaucoup plus une trame beaucoup plus serrée que la trame réelle qui a construit Rome. Ceci dit, la trame qu'elle avait construit Rome, c'était tout à fait dense aussi. Justement, Ricardo González, évoquons un instant Rome. Rome, c'est 12 voies qui la relient au monde bien sûr des villes. Nous sommes ici dans l'idéologie de la centralité, pour reprendre l'expression de Purcell. Oui, Nicolas Purcell avait dit ça, je repris ça dans l'ouvrage. L'idée est que à tout moment, il y a différentes échelles, il y a une certaine idéologie de la centralité, c'est-à-dire Rome est le centre d'un empire, d'un univers en fait, et Rome est en même temps un centre qui est relié, et même il y a une comparaison de l'Antiquité qui dit, voilà, Rome c'est le chef-lieu d'un grand territoire, d'une sorte de grande cité, un écumène, on pourrait dire, qui a ses ressources enracinées dans tout le territoire de l'Empire. Et puis, cette centralité se répète, elle est emboîtée dans d'autres cités, dans d'autres territoires, c'est-à-dire Rome, dans son expansion, a créé un tissu cellulaire formé par des cités, des territoires des cités, avec un chef-lieu qui est normalement une ville. Et cette centralité s'est reproduite à l'infini à l'intérieur de chaque cité, c'est-à-dire le territoire dépendant de chaque cité reproduit les mêmes systèmes que Rome avec son empire. Pour vous, les cités romaines doivent être appréhendées comme la modalité de spatialisation par excellence du fait colonial romain. Pourriez-vous vous expliquer sur ce sujet ? Oui, ce que je voulais dire avec ça est que Rome, dans son expansion, il faut penser que il n'y a pas une idée de l'aménagement du territoire, il n'y a pas une idée, mais quand même, il y a une idée d'un impérium, d'un pouvoir sur les personnes, sur les habitants. Pour mieux gérer un empire d'une dimension comme celui de l'Empire romain, ces grands espaces doivent être gérés d'une manière subsidiaire par les plus proches, c'est-à-dire par les élites qui gouvernaient les différentes cités. Et donc, chaque cité était autonome. Autonome ne veut pas dire indépendant. C'est-à-dire, l'autonomie de la cité, ça veut dire qu'elle pouvait, chaque cité, les élites de chaque cité, pouvaient gérer de la meilleure manière possible en ce qui concerne son espace, les routes, les relais de la poste impériale, les différentes ressources qui, une fois canalisées via les gouverneurs de chaque province, arrivaient à Rome. Et donc la meilleure manière de l'expansion de Rome est de créer ou de favoriser d'autres cellules qui existaient auparavant et l'adhérer, l'annexionner à Rome à chaque moment, où par des endroits il y avait vraiment la création d'une nouvelle cité dans laquelle s'installaient les populations qui étaient de ces territoires. Justement, nous connaissons le forum, le théâtre, les thermes, voire le cirque qui émerge à la fin du deuxième siècle de notre ère, tandis que la trame urbaine est composée bien sûr de deux axes, le cardo et le décumanus. Rappelons-le, les arpenteurs commencent toujours par tracer les rues. Oui, voilà. À la différence des sociétés orientales, l'urbanisme est né d'une première création des axes qui sont orientés par rapport aux points cardinaux. Et ces axes reproduisent un peu une idée de l'univers qui est le nord, le sud, les points cardinaux. Mais la création d'une ville, autant pour, en ce qui concerne le monde grec, qu'est le monde romain, est créé à partir des axes qui sont le public, les schémas dans le cadre de centuriation romaine, dans le cadre de la distribution des champs, mais aussi dans le cadre de la distribution des îlots des villes. Et donc la création des axes principaux d'une ville, nord-sud, est-ouest, d'une manière globale, et la répétition par rythme de ces axes distribue, fait des îlots rectangulaires ou carrés, peu importe, dans lesquels s'insère, à l'intérieur de ces îlots, s'insère la propriété privée ou la propriété publique dans le cadre des temples ou des monuments publics. Mais l'acte fondateur, plutôt, est la création de l'espace public qui est la rue. Alors ce qu'on imagine peu, c'est que les réseaux d'égouts reproduisent à peu près la trame urbaine. Dans certains cas, c'est le cas. Dans certaines fondations ex nihilo, des nouvelles fondations, des villes qui n'existaient pas auparavant et qui servaient pour fixer la population autochtone parfois. L'idée, je viens de faire une mission dans la ville d'Aoste en Italie, au pied des Alpes. Et donc, c'est bien le cas. On se rend compte et on a fouillé les sédiments qui comblent les systèmes d'égouts de la ville d'Aosta en Italie. Et donc, on voit très très bien que, en fait, d'une certaine manière, la reproduction souterraine est a priori, c'est-à-dire, on crée d'abord les égouts qui vont servir à évacuer les eaux usées de cette ville. Il faut penser que la création d'une ville, c'est une agglomération de personnes très importantes qui produisent énormément de déchets et ces déchets doivent être gérés d'une certaine manière. Pas au niveau qu'aujourd'hui, bien sûr, mais il fallait créer un système que dans le cadre de la ville d'Aosta et dans beaucoup d'autres, reproduit presque à l'identique la trame urbaine, la trame des rues. Vous recherchiez du plomb dans ces égouts, puisque on sait par exemple que on a beaucoup d'isotopes du plomb dans Rome. Là aussi, c'est un bon indicateur de la situation de la ville et de sa pollution. Et justement, l'idée, dès que j'ai vu il y a quelques années l'exemple de la ville d'Aosta, j'ai remarqué que c'est un piège des marqueurs environnementaux. C'est un piège probablement de pollen, des carpologies. On a vu dans ces jours qui nous précèdent, on a vu même des morceaux, des ossements d'animaux, des déchets urbains. Et donc, on a vu aussi qu'il y avait des alluvions qui comblaient les égouts. Et très probablement, à partir de l'Antiquité tardive, la création d'un réseau superficiel qui remplace un système que je dis maintenant thrombosé de la ville d'Aosta et qui attend des limites, voilà, d'entretien. Mais j'insiste, c'est tout à fait intéressant du point de vue de la quantité probable des paléoparasites même qu'on essaye de trouver. On a fait des prélèvements pour essayer de trouver des paléoparasites qui ont été piégés dans les sédiments, pour essayer de comprendre, entre autres aussi les plombs, pour essayer de comprendre l'état sanitaire de la ville, la quantité des choses qui allaient dans les égouts. France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier. On peut penser aussi que l'air était extrêmement pollué en raison du charbon de bois. Absolument, parce que la seule source d'énergie de l'époque était le feu de bois, les charbons et autres. Donc il faut penser que c'était des villes très très polluées, non seulement à cause des activités artisanales, Il faut penser à la poterie, à la métallurgie, etc. Mais aussi juste les chauffages et la cuisine et autres. Et donc, c'est vrai que dans certains squelettes, on voit qu'une maladie les plus fréquentes, c'est justement les problèmes pulmonaires qui obturaient la respiration de gens qui habitaient. En Gaule, le sud est bien sûr plus précocement urbanisé que le nord, c'est Narbonne, Nîmes, Arles en arbonnaise, mais il y a aussi Marseille. Marseille qui a largement hellénisé cette région. Cette tradition hellénistique perdure-t-elle pour autant avec l'arrivée des Romains ? Oui, il faut penser que, bien sûr, il y a la création par les colonies phocéennes du sud de la Gaule, dont Marseille, c'est la création par excellence, et puis tous les comptoirs massaliotes qui ont été créés dans la côte ligure. Mais il y a une hellénisation des Ligures, une hellénisation de la côte ligure de ces contrées, mais cette hellénisation est renforcée avec les prismes, bien entendu, des Roms à partir des premiers contacts. Il faut penser que la conquête de la Gaule démarre, et surtout de la Gaule que les Romains appellent transalpine, qui deviendra plus tard la Narbonnaise, la conquête de la Gaule démarre par une bande d'aide des Marseille qui réclamait à Rome l'alliance et l'amitié avec Rome pour se défendre des peuples ligures qui siégeaient les comptoirs massaliotes. Dans son traité d'architecture, Vitruve rappelle les critères qui doivent présider au choix de l'emplacement d'une ville. Que faut-il donc pour créer une ville, notamment en Gaule ou en Occident ? D'une manière globale, Vitruve fait appel, bien sûr, aux auspices, à la prédiction de la qualité des terres. Il faut rappeler que souvent on interprète comme une sorte de magie de faire des sacrifices des animaux, mais il ne faut pas s'étonner. L'état de santé d'un animal traduit, révèle d'une certaine manière la qualité d'un terrain. Donc ça, c'est déjà quelque chose de très intéressant. Mais je tiens toujours à remarquer que Vitruve, à un moment donné, il dit, voilà, une ville doit être bien reliée par la communication avec la mer, avec le fleuve, avec les chemins. Et donc, pourquoi il dit ça ? Parce que, justement, la ville doit pouvoir être en une sorte des miroirs, des vitrines, des produits du territoire de la cité pour exporter à l'extérieur. Et d'autre part, c'est que la ville ne produit pas, l'importer de l'extérieur aussi. Et donc, il est très pratique. À un moment donné, il dit, voilà, il faut être bien communiqué, bien sûr, avec d'autres mots. On parle souvent de Villeneuve pour le Moyen-Âge. On l'évoque aussi, d'ailleurs, pour la Mésopotamie. Vous parlez de cité ex nihilo pour l'Empire romain. Cela a donc suscité des déplacements de centres urbains. Par exemple, en France, l'abandon de la cité gauloise de Bibracte au profit d'Autun, la ville d'Auguste. Oui, c'est juste ça. D'une certaine manière, Rome s'appuie énormément dans la trame urbaine précédente. Dans la trame urbaine précédente, des Ibères, de Gaulois, c'est les oppida qui existaient auparavant. D'ailleurs, Rome crée beaucoup plus des villes là où il y avait une trame beaucoup plus dense des autochtones, des Ibères ou des Gaulois, par exemple. Et donc, ça c'est une donnée très importante. Parfois, dans un abus de langage de ma part, l'aménagement du territoire qui n'existait pas, bien sûr, à l'époque, mais qui essayait de comprendre dans les bénéfices géopolitiques de l'Empire romain, produit des déplacements ou d'abandon ou de création de nouvelles. Et donc, les déplacements, parfois, c'est la même cité qui est déplacée de quelques kilomètres, ou parfois un peu plus, est provoquée parce que, dans le système viaire des Roms, cette cité est placée dans un endroit beaucoup plus apte, beaucoup plus intéressant, pour les intérêts des Roms, bien entendu. Et parfois, c'est la continuité dans le même espace. Mais justement, ces changements des déplacements ou ces changements des lieux traduisent la volonté d'opérer sur un territoire avec un autre regard qui est celui des Roms. Rome a d'abord été une cité-État avant de devenir la capitale du monde. Elle devient cette capitale en accordant des droits aux habitants d'autres villes, aux élites hispaniques, gauloises ou africaines. La citoyenneté romaine, c'est bien ça, et c'est bien sûr lié à Caracalla en 212, c'est un moment capital pour les villes. C'est un moment d'universalisation de ces droits. Mais avant ces moments, il y a une sorte de promotion au compte-goutte des autochtones, des élites autochtones qui ont accédé par le biais de l'exercice d'une magistrature dans une ville à la romaine, une ancienne ville indigène qui devient une ville romaine à un moment donné, et à des élites normalement autochtones, et donc par ces biais attend la citoyenneté romaine et donc c'est une promotion qui est favorisée par Rome et qui en même temps produit une forte auto-romanisation, comme on en dit souvent. C'est le corollaire du développement de l'urbanisation aussi. Voilà, c'est ça. Que fait-on des noms des cités, la toponymie? Ne pourrait-on pas faire un parallèle sur ce sujet entre l'Empire romain et la conquête des États-Unis avec les colons? Après tout, il y a une similitude entre Augustodunum, la ville d'Auguste, et Saint-Louis? Ben oui, tout à fait. C'est l'utilisation du nom au Georgetown en Afrique, par exemple. C'est l'utilisation du nom d'un souverain à un moment donné pour donner le nom d'une ville. Mais on a des exemples comme Iowa City, qui est un mélange des toponymes autochtones, indigènes et coloniaux, ou Fort Apache. Donc on a Castel Menapiorum en Gaule, qui est exactement la transposition un peu de Fort Apache dans l'Amérique coloniale. Qui vit en ville? Les riches propriétaires qui possèdent la campagne? Oui, souvent. Un système totalement inégalitaire, bien sûr. Ben, oui, les riches propriétaires. Il y avait bien sûr une plèbe urbaine aussi. C'est-à-dire, il y a un petit prolétariat. Mais d'une certaine manière, je suis plutôt partisan par une interprétation de la ville ou les villes romaines et à la romaine, on va dire. Il ne faut pas imaginer des grandes villes surpeuplées. Il y a aussi de tout petites villes qui sont surtout un grand miroir. Il ne faut pas oublier que 95% de la population de l'Antiquité, c'est une population rurale qui produit dans les champs, et il y a des élites qui sont urbaines mais qui passent pas mal de temps dans les campagnes aussi. La ville est un centre de consommation, elle s'entoure non pas de banlieues mais de zones maraîchères. Ben oui, oui, il faut approvisionner. Il faut approvisionner, il faut manger. Et les populations urbaines mangeaient bien meilleur des mets tout à fait intéressants. Donc il fallait produire pour la ville. Il ne faut pas oublier non plus, j'insiste toujours dans mes cours, que en ville habitent beaucoup de personnes qui ne produisent pas ce qu'ils mangent. Et donc il faut un marché. Et donc, il faut une production proche pour des productions qui sont périssables. Reims est un bon exemple de ces zones maraîchères, notamment aussi le Louvre, les fameuses fouilles du Louvre qui ont révélé ces zones-là. On a des exemples des jardins, on va dire potagers, proches des villes ou dans la banlieue de villes. Et il ne faut pas non plus oublier des jardins à l'intérieur des villes. Une ville complètement occupée par le béton, par le minéralisé, on dirait aujourd'hui, c'est au moment peut-être plus tardif des villes, et donc il y avait toujours des zones maraîchères à l'intérieur même des remparts. Les recherches sur les poissons archéologiques, ce que l'on appelle l'ichtyologie, a montré qu'une étonnante corrélation entre la consommation du poisson et la création et l'expansion de la ville de Londres. C'est assez extraordinaire. C'est extraordinaire. Les archéologues qui ont fouillé et les ichtyologues qui ont étudié les exemples de Londres ont pu établir une courbe qui est absolument synchrone des épines du cabillaud. Et donc, les cabillauds, il est consommé pendant la durée des vies de la ville de Londres, c'est-à-dire depuis sa création au milieu du 1er siècle après Jésus-Christ et jusqu'au 5e. Et donc, et à partir du moment de la disparition de la ville ou de l'existence de la ville sous un autre aspect, Londres ne consomme plus le cabillaud. Et donc, c'est un marqueur d'urbanisation. Il ne faut pas oublier que la salaison de poissons et les salaisons d'une manière globale, c'est la manière la plus apte de consommer les calories, les protéines surtout, à l'époque romaine, parce que c'est sa conservation naturelle avec du sel ou fumé, et donc ça montre une consommation justement qui vient de loin. On sait d'où venait le cabillaud de Londres ? Non, on ne le sait pas, ou je crois qu'on ne le sait pas, mais il faut imaginer que les îles britanniques ne sont pas très loin des bancs de cabillauds. Des bancs de cabillauds. En tout cas, la ville romaine, qu'elle soit italique, espagnole ou tunisienne, je pense bien sûr à Tipaza, mais aussi à Pompéi, devait sentir très fort le poisson, en lien bien sûr avec ces fameuses usines de salaison, de garum, que vous nous évoquiez il y a quelques instants. Il y avait des usines de salaison un peu partout dans toutes les villes côtières il y a une activité productive d'une manière générale et globale qui est assez intégrée dans la trame urbaine. Donc il faut imaginer que voilà qu'ils n'avaient pas les mêmes critères de mauvais odorat etc que nous. En revanche, les activités les plus dangereuses sont en général, et peut-être les plus nuisibles, sont rejetées en périphérie. Justement, c'est les activités, les arts du feu, la métallurgie, les poteries qui ont besoin du feu. Et donc, dans l'Antiquité, et pas seulement dans l'Antiquité, mais surtout dans l'Antiquité, avec pas mal de matériaux de construction, en matériaux périssables, en bois, donc on essayait d'éviter ces types d'industrie à l'intérieur de la ville. Entre 2000 et 2700 cités parsèment l'Empire. Pourquoi beaucoup disparurent et avec elles, bien sûr, les réseaux qui les liaient ? Donc la ville, je reprends aujourd'hui, la ville naît avec la route. Et il faut imaginer que la création des réseaux des villes, c'est ça qui traite en grande partie les que sais-je, c'est un grand réseau. Et un grand réseau d'approvisionnement des produits qui vient d'un commerce lointain et d'un commerce extérieur. Et pas seulement le matériau le plus nécessaire, mais il y a des choses, il y a un commerce des perles, il y a un commerce très lointain qui vient de l'Orient. Donc la ville, à partir d'un moment, change. Et cette ville, ces réseaux des villes, la trame commence à se diluer un tout petit peu. Rome, dans son expansion, a essayé de mettre des propugnacula imperii, c'est-à-dire des avant-postes des commerces un peu partout. Et donc, c'est là où la trame était beaucoup moins dense, qui commence à se défiler un tout petit peu et qui commence à être, avec un certain retard. Certaines villes qui sont bien placés dans les axes de communication, surtout maritimes, vont rester beaucoup plus de temps. Ricardo González-Villaescusa, merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre livre, Les cités romaines, dans la collection Que sais-je ? Carbone 14 était réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Philippe Mercher et bien sûr avec la collaboration de Sandrine Chaperon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de France Culture et l'application Radio France ou retrouver plus de 300 archives sur le site inrap.fr.